il n'aura même peut-être pas de récompense auprès d'Allah Azzawajal, mais si jamais tu auras accompli pour cela une obligation, c'est-à-dire que tu te seras confirmé quant au fait de jeûner, ou plutôt de jeûner, c'est-à-dire de ne pas boire ni manger, lakin, le jeûne, c'est pas la grande valeur du jeûne, kaza les cas, c'est de préserver ses membres. Et la langue, des choses que Allah Azzawajal, il déteste et il désapprouve. Et on se rappelle, kaza les cas, des choses afin qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous mette l'effroi, plutôt la peur de dire des choses qu'Allah Azzawajal, il désapprouve. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في البخاري ومتفق عليه قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكن خيرا أو ليصمت. Celui qui croit en Allah عز وجل véritablement au jour du jugement dernier, qui croit au adab al-qabr, qui croit au na'im al-qabr, qui sait qu'un jour il va rencontrer Allah عز وجل et qui sait que peut-être cette parole-là qu'il va dire lorsqu'il va insulter ou bien dire une chose qu'il désapprouve Allah عز وجل, ça va être peut-être yani la cause qui va faire que ses mauvaises actions vont prendre le dessus dans la balance sur cette mauvaise action. Si vraiment il craint cela, et bien qu'il se taise. Parce que tu n'es pas à l'abri que cette parole que tu vas dire, que toi tu as peut-être l'insouciance de savoir est-ce qu'elle va peser dans ta balance, est-ce que même peut-être que tu vas voir que tes bonnes actions et tes mauvaises actions elles sont sur un même piédestal. Là, cette parole là que tu vas dire va venir et va faire quoi, va faire prévaloir tes mauvaises actions aux bonnes actions. نعم ومن خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي. Et celui dont sa balance sera légère, c'est-à-dire les bonnes actions seront légères, فأمه هاوية, sa destination sera l'enfer, même si jamais c'est pas à l'éternité. لكن وما أدراك ما النار. Rappelle-toi juste le hadith al-Bara ibn Azib رضي الله عنه, dans lequel lorsque le kafir, on va lui montrer dans sa tombe l'endroit qu'il a loupé, c'est-à-dire un jannah, et on va lui montrer l'endroit où il va aller, c'est-à-dire un enfer. Il est dans la tombe et il se fait taper dessus avec des grosses matraques. Si jamais seulement les serviteurs ils entendaient juste le son de souffrance qu'il y en a qui peut ressentir, ils seraient tous évanouis et tombés dans les pommes. Donc que dire de celui qui se fait taper pendant la tombe? Et malgré cela, lorsqu'on va lui montrer la fenêtre par laquelle on va lui dire voilà ta destination, il va dire Rabbi la tuqim sa, ya Allah, je veux pas que l'heure y en y vienne, je veux pas y rejoindre la demeure de l'enfer, malgré qu'il est en train de souffrir. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. L'enfer, ou plutôt le feu, leur sont exposés jour et nuit. Et lorsque l'heure viendra, on dira, faites entrer Pharaon et ceux qui les ont suivis pour un châtiment qui est beaucoup plus grand, c'est-à-dire l'enfer. Donc il faut qu'on se rappelle de ces choses-là. Il faut qu'on se rappelle des choses-là qui vont nous jeter inchallah l'effroi dans le cœur, afin de préserver nos langues, des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il désapprouve, car tu n'es pas à l'abri que cette parole-là que tu es en train de dire, ça va être une parole qui va faire prévaloir tes mauvaises actions sur tes bonnes actions. Wa qala an-nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam inna ar-rajula la yatakallamu min sakhatillah ma kana yadhun an tablugha ma balaghat yaktubu Allahu lahu biha sakhatahu ila yawm yalqah. Une personne va dire ou va parler d'une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il désapprouve, il n'aura jamais pensé que cette parole-là elle va l'amener vers la chose qui va l'amener, et Allah subhanahu wa ta'ala il va lui prescrire, il y en a peut-être pour cela, son courroux jusqu'à le jour où il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. فَالْلِسَانَ الْلِسَانَ تَمَمْ. Préservons nos langues des choses qu'Allah subhanahu wa ta'ala il désapprouve, et utilisons notre langue dans l'adoration d'Allah Azzawajal, dans l'évocation, dans l'invocation, dans la lecture du Coran, dans la mise en garde, parce que c'est une chose qui va te rapprocher d'Allah Azzawajal, dans le fait d'enseigner, dans le fait d'apprendre ta science, dans toutes les choses qu'Allah Azzawajal, il aime et il agrée. قال رحمه حفظه الله تعالى وذلك لأنه لا يتم التقرب إلى الله تعالى بترك هذه الشهوات المباحة في غير حالة رمضان إلا بعد تقرب إليه بترك ما حرم الله عليه في كل حال من الكذب والظلم والعدوان على الناس في دمائهم وأموالهم وعراضهم من دين حفظه الله تعالى. Pourquoi الله سبحانه وتعالى il se passe de la personne qui ne préserve pas sa langue et ses membres des choses qu'Allah Azzawajal les désapprouve, même si jamais il préserve son ventre des aliments et de la boisson, il dit, car c'est par ces choses-là que va s'accomplir, ton siyam, c'est par ces choses-là que va s'accomplir ton siyam. Il nous dit, وَرُوِيَ عَنَ بِهَرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعْلَى عَنْهُ مَرْفُوعًا قَالَ الصَّائِمْ فِي عِبَادَةٍ مَا لَمْ يَغْتَبْ مُسْلِمًا أَوْ يُؤْذِهِ. Il a été rapporté d'Abu Huraira, لكن في حديث الله والله أعلم, يعني il faudrait voir son authenticité, c'est la première fois que je l'entends. Yani, il y a un hadith qui a été attribué du prophète sallam dans lequel il dit, le jeûneur, dans sa narration qui est le jeûne, c'est celui qui va pas calomnier son frère ou bien qui va pas le nuire. C'est clair et net que ça c'est le jeûneur qui est le jeûneur qui a jeûné d'une manière qui est parfaite. Tamam masuga. Ça veut pas dire que si jamais tu fais cela que ton jeûne est annulé. Lakin, tu feras pas partie des jeûneurs qui ont jeûné d'une manière complète. Et le hadith qu'on a pu voir avant, tamam, on peut se passer de ce hadith là et d'évoquer le hadith qui était avant. Man lam yada' al-qawl al-azur wa al-amala bi falaysa lillahi hajatun fi an yada' ta'amahu wa sharabahu. Celui qui ne délaisse pas les propos futiles et vains et kadhalika le mettre en application cela, Allah n'est pas, il se passe du jeûne de ce genre de personne. La qala wa an Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu qala ma sama man dhalla ya'kul luhum an-nas. Il dit celui qui mange la chair de son frère, tamam, la chair de ses frères, yani c'est pas un jeûneur. Tamam, c'est pas un jeûneur, c'est pas ça, c'est pas du siyam, tamam, c'est pas le siyam qui est parfait. Lakin, c'est pas un siyam qui est annulé, lakin qui est pas parfait et qui a peut-être même pas de récompense auprès d'Allah Azza wa Jalla. Tu ayyuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumu. Tamam, le fait de parler sur ton frère, c'est l'équivalent à ce que tu manges la viande de ton frère. Déjà, manger la viande de ton frère, qui va le faire? Lakin, une viande de ton frère qui est altérée. C'est la même chose. Hein. Lorsque tu fais une riba sur ton frère, tu calomnies ton frère, c'est comme si jamais tu avais mangé la chair de ton frère altérée. Fanas Allah subhanahu wa ta'ala, assalamat wa al-afiyya. Qala fasa'im, yatariku ashya'an, kanat mubahatan, fi khayri halatin siyam, fa min bab awla, an yataruka l'ashya'a lati, la tahilu lahu fi jami'a l'ahwal, liyakounu fi idadi as-sa'imina haqqan yudi, as-sa'imani, lorsqu'il n'est pas en état de jeûne, t'as mis délaisse les choses. Yani, qu'Allah subhanahu wa ta'ala désapprouve. Donc pourquoi les faire lorsqu'il est en état de jeûne tout même? Donc il nous dit, il faut éviter de faire cela afin qu'on soit dénombré parmi les véritables jeûneurs. Nasta Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana lima sami'na wa an yahfazana wa iyyakum wa yaktubana min as-sa'imin al-haqqa yani min as-sa'imin al-haqiqiyin wa inshallah naktafi bidhalika wa jazakumullahu khayran. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك. مع تحية دماج. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار. الحذر من الركون إلى الظلمة من شيعة أو حزبيين, لا تركن إليهم, هؤلاء إثعابي.